بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 97 بعد 100. 197 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس إذا أرادوا إثبات شيء قالوا كما رد أو ورد على لسان الحق ذج جل وعلا، فما حكم ذلك؟ Donc certaines personnes, lorsqu'ils veulent affirmer une chose, ils disent comme cela a été affirmé par la langue de la vérité. جل وعلا, c'est-à-dire Allah عز وجل. Donc qu'en est-il de dire cette parole-là? فأجاب رحمه الله تعالى من المعلوم أن الكلام في أسماء الله وصفاته موقوف على ما جاء به الوحي فإن أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها خبر عن مغيب والخبر عن مغيب لا يجوز للإنسان أن يتفوهه به إلا بالدليل لقول الله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc il a dit, il est connu que fait de parler sur les noms d'Allah et ses attributs, c'est une chose qui doit se baser sur la révélation, un de plus. Car cela sont des choses qui sont tawqifiyya. Tawqifiyya, c'est-à-dire qui sont relatives à un décret divin, qu'on ne peut déduire de nos têtes et que l'on peut deviner. Donc tout ce qui touche aux choses de l'invisible, il ne nous est pas permis d'en parler sinon avec un dalil clair, dans le sens où Allah dit, et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science, car certes l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela seront sans interrogés. نعم حسنا صلاة الإسراء الواج نبتون لكل الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et dans le sens où Allah dit mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes apparentes ou cachées, ainsi que le péché, ainsi que l'injustice sans droit, et ainsi que d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que nous ne savons pas. Et de dire sur Allah ce que nous ne savons pas. Ça, c'est dans Surat al-A'raf. فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولُ بِلِسَنِ الْحَقِّ يَعْنِي بِلِسَنِ اللَّهِ مَنْ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ لِسَانًا فَلِهَذَا يُخْتَبَرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ قَائِلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc il n'est pas permis de dire par la langue de la vérité, c'est-à-dire en disant la langue d'Allah. Et de dire que Allah a une langue. Car celui qui dira cela aura parlé sans ilm, sans savoir. Wal Qur'an al-Karim laysa fihi anna bi lisan Allah bal fihi bi lisan arabin mubin. Le Coran ne dit pas par la langue d'Allah, mais il dit par une langue arabe claire. C'est ça qui est venu dans le wahy, par une langue arabe claire. Wal lisan yutlaqu wa yurad bihi al-lugha ay bi lughati arabiyya wa innama utliqu al-lisan ala al-lugha li'anna al-mutakallim bil-lugha yatakallam bi lisan. Donc en fait, le mot langue a été employé pour justement, comme en français, une langue, c'est-à-dire le parler d'un autre pays, par exemple, ou d'un autre peuple. Et on ne veut pas la langue par elle, l'organe qui est dans la bouche là. On veut dire la langue, le parler des gens. D'accord ? Car celui qui parle en arabe, il parle avec quoi ? Avec sa langue. Et là, on parle de l'être humain. أما الرب عز وجل فلا يجوز أن يثبت له اللسان ولا يجوز أن ننفيه أن ننفيه عنه لأنه لا علم لنا بذلك. Donc le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis qu'on affirme qu'il ait une langue, tout comme il n'est pas permis qu'on le renie et qu'on dise qu'il n'a pas de langue. On ne sait pas, car il n'y a rien qui l'affirme et il n'y a rien qui le dément. وقال العلماء إن صفات الله تنقسم إلى ثلاث أقسام. Donc les savants disent que les sifat d'Allah, ses attributs, trois catégories. قسم وصف الله به نفسه فيجب علينا إثباته كالسمع والبصر وما أشبهه ذلك. Donc il y a une catégorie qui a été affirmée par Allah et son message, c'est-à-dire par la révélation. Donc il nous est obligatoire de les affirmer, comme par exemple l'ouïe, comme par exemple la vue, tout ce qui ressemble. On a des preuves. Allah dit qu'il entend, Allah dit qu'il voit, Allah dit qu'il parle, Allah dit qu'il a deux mains, Allah dit qu'il a deux yeux, Allah dit qu'il est aux cieux, ainsi de suite. Tout cela on l'affirme. ثم قال قسم نفاه الله عن نفسه فيجب علينا نفيه كالظلم والغفلة والتعب والإيعاء وما أشبه ذلك. Une autre catégorie de sifat sont celles que Allah عز وجل a recusé et a refusé et a renié, ne s'est pas attribué. Et celle-ci nous est obligatoire également de l'en purifier, de dire qu'Allah n'a pas ces attributs-là, comme l'injustice, comme l'inattention, comme la fatigue, le sommeil et ce qui y ressemble. Car sont des attributs de faiblesse. Et Allah, il est parfait. وَقِسْمُ سَكَتَ عَلَّهُ عَنُهُ فَرَيَجُوزُ نَفِيُّهُ وَلَيْزْبَاتُهُ إِلَيْذَ كَنَا دَلَّنَا لَنَقْسٍ مَحْضٍ فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَفِيُّهُ لِيَنَّ اللَّهُ مُنَزَّحٌ عَنْ كُلِّ نَقْسٍ. Et la troisième catégorie, c'est celle les attributs sur lesquels Allah s'est tu. Il ne les a pas cités. Ni les a affirmés, ni les a récusés. Donc celle-ci, nous, on doit agir de la même. D'accord ? On ne doit pas les affirmer ni les accuser. Sauf une sifat, par exemple, qui serait un manquement pur. Allah n'a pas dit qu'il n'a pas telle chose, mais nous, on sait qu'entre qu'être humain, que cet attribut, il est mauvais. Donc on ne peut pas l'attribuer à Allah, azawajal. Même si on dit que le Coran ne l'a pas renié, on dit naam, mais cet attribut-là, il est mauvais. Donc on ne peut pas l'attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on parle d'un manquement qui est purement. Pas partiellement. Pur, parce que des fois, une chose également peut être un manquement pour nous, mais pour Allah, une perfection, comme par exemple quoi? Al-kibr, l'orgueil. Chez l'être humain, c'est un défaut. Mais pour Allah, c'est un droit. Car Allah est au-dessus de tout. Alors, non. Donc voilà ce qu'il en est de, quant au fait de dire qu'Allah, il a une langue. Et c'est pareil pour d'autres attributs, comme le fait de dire qu'Allah, il a un corps, que de dire Allah, il a telle et telle chose. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que lorsque la personne parle, elle s'exprime correctement et qu'elle développe là où elle va en venir. Pour éviter bien des déboires. Dans ce domaine-là. ثم قال في السؤال الثامن والتسعين بعد المئة 198e question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عند العذاب تحل الحكمة محل الرحمة فهل يجوز أن يقال إن الحكمة في تلك اللحظة تحل محل الرحمة. Donc il est interrogé à propos du fait de dire que le châtiment, d'accord, le châtiment à un moment est considéré comme étant une hikmah, une sagesse. Donc, est-ce qu'au moment où le châtiment arrive, d'accord, peut-on dire que ce châtiment, par exemple, est une rahma, une miséricorde? Car la hikmah d'Allah est forcément une rahma. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que tel châtiment est une rahma? Donc, le shir dit, « Na'am, na'kulu zalika lina azab al-kafir, il n'est sa rahmatan. Fi al-waqiyya lil-mu'azib, liannahu inqada al-an la yumkinu an yasta'ib. » Donc il a dit, oui, on peut dire cela. Que un châtiment peut être une rahma. Par exemple, il dit, le châtiment pour le mécréant, ce n'est pas une miséricorde pour lui. Au moment où il est châtié. D'accord? Et il parle du mécréant qui meurt sans sa mécréance. Il parle du mécréant qui meurt châtié pour sa mécréance. Lui, à ce moment-là, c'est pas une rahma pour lui. Par contre, cela est pour le croyant une rahma. Naam. لأن المؤمن إذا رأى عدوه يعذب من عند الله لا شك أن يفرح وينعم بذلك. Car le croyant, lorsqu'il voit son ennemi se faire châtier par Allah, c'est sûr qu'il s'en réjouit et qu'il prend cela comme un bienfait. Que Allah t'a débarrassé de ton ennemi. Et tu sais que le châtiment, il viendra là directement. D'accord? Donc à ce moment-là, tu ne peux que être content. ولذلك قال الله تعالى لنبيه كل هل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit à son prophète, dit, est-ce que vous attendez de nous, si ce n'est que deux bienfaits, ou les deux récompenses, alors que nous attendons de vous que Allah vous châtie de lui-même ou par nos mains. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend, c'est que Allah, c'est-à-dire en parlant à l'ennemi, que Allah vous châtie de lui-même, c'est-à-dire il envoie un châtiment sur vous, alors que nous soyons nous la cause de votre châtiment. Et cela, on parle dans des situations légiférées, bien sûr. Pas dans des situations inventées par les gens, comme les actes de terrorisme, les attentats, ce genre de choses. Là, il parle de, dans les cas où il y aurait des conflits légiférés. On le précise à chaque fois. C'est important. Car des gens, eux-mêmes, justement, sont à l'affût de faire dire ce que nous n'avons pas dit pour nous faire passer pour qui nous ne sommes pas. Comme vous le savez. فبين الله عز وجل أن المؤمنين لا يتربص بهم أعداؤهم إلى إحدى الحسنيين إما الظفر وإما الشهادة إما الظفر والانتصار على العدو وإما الشهادة وكلاهما حسنى. Donc Allah عز وجل a démontré justement que le croyant là cette partie là j'ai pas bien compris lorsque le chien l'a dit. Que en fait ce que l'ennemi attend de nous, cela sera notre avantage, dans le sens que soit nous aurons la victoire, soit s'il nous tue, nous serons martyrs. D'accord? Nous serons martyrs. Quant à nous, أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ولكن متى يكون هذا إذا قمنا بما يجب الله علينا أو ما يجب لله علينا فإنه سوف يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. Alors que nous, qu'est-ce qu'on attend de ces koufars-là? Si ce n'est que soit que Allah les châtie de lui-même, ou alors par notre biais à nous. Mais quand est-ce que cela aura lieu? Cela aura lieu lorsque nous ferons ce que Allah nous a rendu obligatoire. Et à ce moment-là, Allah châtira les koufars. Mais tant qu'on sera sur la désobéissance ou quoi, cela on ne verra pas. C'est-à-dire de nos mains à nous. Mais on espère que Allah envoie sur eux des châtiments par des faits, comme ils appellent ça eux, catastrophes naturelles, séismes, volcan, cyclone, ouragan, tempête, tsunami, et j'en passe. Une chose dans laquelle la main de l'homme n'a pas sa part. Mais pour que cela vienne de la part de l'homme, cela ne pourra arriver que lors d'un combat légiféré et que les croyants seront sur l'estiquement et la droiture et sur la religion. Amma idha kana al-amr bil-aks, nas'alu Allah afiya, wa ahmalna ma yajibu alayna, fa inna al-amr qad yakuna bil-aks. Il dit par contre, si jamais on agit contrairement à cela, et nous demandons à Allah de nous prémunir, il se peut que la chose se retourne contre nous, en fait, que le châtiment soit sur nous. Pourquoi? Pour notre désobéissance. Et cela, dans l'histoire islamique, on a déjà vu, on a déjà entendu parler que les croyants ont eu des défaites pour avoir désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des leçons pour nous à prendre en considération pour nos personnes et pour l'avenir. Na, azalazi khazna al-yum bi hadin su'alayn, falhamdulillahi rabbil alamin.